Les dauphins sont voluptueux et enclins à l'amour, ainsi que l'attestent des exemples anciens et même récents. En effet, sous les premiers Césars, dans la mer de Pouzolles, selon le récit d'Apion, et plusieurs siècles auparavant, près de Naupacte, comme le rapporte Théophraste, on a vu, de manière à n'en pouvoir douter, plusieurs de ces animaux donnant des marques évidentes de l'amour le plus passionné. Et cet amour n'avait pas pour objet des êtres de leur espèce, mais de beaux enfants qu'ils avaient vus par hasard dans des barques ou sur les sables du rivage et pour lesquels ils ressentaient une tendresse extraordinaire et vraiment humaine. Je vais transcrire un passage du savant Apion, extrait du livre 5e de ses Égyptiaques. J'ai vu moi-même, dit-il, près de Dicéarchie, un dauphin épris de passion pour un enfant nommé Hyacinthe. Il accourait à sa voix, s'approchait du rivage et recevait l'enfant sur son dos, ayant bien soin de replier les points de ses nageoires, de crainte de blesser l'objet de sa tendresse, qu'il portait ainsi jusqu'à 200 stades du rivage. On accourait de Rome, de toute l'Italie, pour voir ce poisson guidé dans ses courses par l'amour. Ce qu'ajoute Apion n'est pas moins merveilleux. Cet enfant, si tendrement aimé, tomba malade et mourut. Après être venu plusieurs mois au lieu même où l'enfant avait coutume d'attendre son arrivée, le dauphin, ne le voyant pas venir, fut saisi d'une douleur si vive qu'il ne put lui survivre. Son corps fut trouvé sur le rivage par des gens qui connaissaient toute cette histoire et qu'ils déposèrent dans le même tombeau que l'objet de ses amours.